l'originalité d'Emma Bovary, dans le présent contexte, n'est pas d'être seulement la seule bourgeoise normande à rêver d'exotisme et d'amour idyllique. Femme d'un seul roman, elle n'est pas appelée à un devenir sériel, donc au contraire de Popeye, d'Harry Potter ou d'OSS 117. Et puis si elle est présentée une première fois au public par le biais d'un support périodique, ce n'est pas via le journal, comme le Comte de Monte Cristo, par exemple, de Dumas, qui est paru en feuilleton dans le Journal des débats, mais c'est via le médium plus littéraire de la revue, au fil de 6 livraisons dans la Revue de Paris, d'octobre à décembre 1856. Ceci donc pour dire que le roman de Flaubert est déjà terminé au moment où il paraît en livraison en revue, donc il est déjà terminé, ce qui n'est pas le cas en général des romans feuilletons, dont les épisodes s'adaptent parfois aux réclamations du public et n'hésitent pas à se gonfler de répétitions. Répétitions qui ne font pas forcément sens dans la logique du texte, mais qui font sens pour les auteurs qui étaient souvent payés à la ligne. Emma Bovary est donc éloignée des logiques de production des littératures populaires et semble même, a priori, n'avoir rien à faire au milieu de la galerie de personnages fantasques, drôles, aventureux et hyper charismatiques qui ont été retenus par les organisateurs du présent séminaire. À la limite, à l'extrême limite, s'il en est une dont elle se rapproche, c'est éventuellement Bridget Jones, dont nous parlera Séverine Olivier le mois prochain, mais je crois qu'au-delà de la propension de ces deux héroïnes au ratage amoureux, personne n'irait jusqu'à ranger les aventures de Madame Bovary dans le même rayon d'une bibliothèque que celle que les récits des aventures de la gaffeuse londonienne. Cela aussi parce que les écrits qui font vivre ces deux personnages sont bien différents. Le texte flaubertien, au vrai, est superbe. Il est remanié, expérimenté, ciselé dans le détail, et il a été gueulé aussi par son auteur, qui, on le sait, avait à cœur de mettre ses écrits à l'épreuve de l'oral, et qui a laissé, donc pour ce seul roman, quelques 3000 pages de brouillon, dont j'aurai l'occasion de reparler ultérieurement. Au fond, si, comme on va le voir, Emma Bovary se révèle une héroïne solaire en demi-teinte, ce qui est déjà un beau paradoxe, elle ne fait rien d'autre que porter ce qui, à mes yeux, peut être considéré comme le plus grand roman du XIXe siècle, un roman destiné à rejoindre le panthéon d'une littérature légitime et consacrée, sinon à en occuper le fronton. Alors Sartre avait pour projet de consacrer à Madame Bovary le 4e tome de L'idiot de la famille, avant de se rétracter et de laisser l'entreprise inachevée. Bourdieu a préféré se saisir de l'éducation sentimentale, et avec quel brio, pour mettre en lumière la façon dont Flaubert permettait, en quelque sorte, de faire comprendre les structures du monde social à travers le prisme voilant et dévoilant du roman. De mon côté, je dispose de 3 quarts d'heure pour tenter de montrer pourquoi, comment, malgré sa légitimité incontestable, Madame Bovary ne fait pas forcément tâche au programme de ce séminaire, aux côtés d'Harry Potter, de Batman et d'OSS 117. J'ai donc essayé de faire voir quelles sont les traces, les marqueurs paralittéraires qui émaillent Madame Bovary, en commençant dans un premier temps par un rappel de l'intrigue du roman de Flaubert. J'essayerai ensuite de relever et d'illustrer 3 dimensions nettement paralittéraires dans l'œuvre, qui me semble donc présenter des zones d'intersection avec les littératures dites populaires. Et enfin, je tenterai de montrer que si Flaubert n'avait pas songé à inscrire son héroïne dans une perspective sérielle, la popularité d'Emma se mesure malgré tout à l'aune de sa filiation, c'est-à-dire à travers les différentes formes de reprises, d'hommages et autres transfictions dont elle a fait l'objet. Le programme est assez vaste, donc je ne perds pas de temps. Et pour que nous soyons tous à égalité devant Madame Bovary, je me permets de vous proposer, pour commencer, un résumé de l'œuvre, résumé dont j'assume pleinement les spoilers, puisqu'il me semble qu'il ne gâcherait en rien la découverte ultérieure de ce roman par ceux qui, éventuellement, ne l'ont pas encore lu. Donc l'incipit de Madame Bovary est le suivant. Nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent et chacun se leva comme surpris dans son travail. Alors, pour commencer, on a déjà une forme de bizarrerie narratologique ici qui marque ce début, puisqu'on ne sait pas très bien qui nous raconte cette histoire. On a un nous témoin qui va disparaître après quelques pages. Mais encore, ce n'est pas Emma Bovary qui ouvre ce récit, c'est Charles. Donc Charles Bovary, dépeint d'emblée comme un raté, accroché d'ailleurs comme par désespoir à une improbable casquette, dont la description va va rejaillir sur sa propre personne. Donc, la casquette à laquelle Charles est accroché, c'était une de ces coiffures d'ordre composite où l'on retrouve les éléments du bonnet à poil, du chapska, du chapeau rond, de la casquette de loutre et du bonnet de coton, une de ces pauvres choses, enfin, dont la laideur muette a de ses profondeurs d'expression comme le visage d'un imbécile. Inutile de préciser que cette description de la casquette de Charles Bovary fonctionne comme une métonymie, en fait, et qui convient assez bien aussi à Charles lui-même. Suit alors dans le roman le récit de l'adolescence de Charles, de ses études de médecine, durant lesquelles le jeune homme commence logiquement par apprendre la vie des étudiants, c'est-à-dire qu'il commence par chanter des refrains de Béranger, apprend à faire du punch, fréquente l'une ou l'autre prostituée, et du coup foire complètement ses premiers examens. Alors là, on a une scène très drôle dans le roman, où Charles, tête basse, rentre chez ses parents et annonce son échec à sa mère, qui, elle, le cache au père Bovary. Mais Charles va se remettre au travail, sérieusement cette fois, et finit, on ne sait trop comment, par décrocher un diplôme de médecine. Il va exercer à Tôtes, c'est une petite commune pas très loin de Rouen, et là, il épouse une certaine Héloïse Dubuc, 45 ans, veuve d'un huissier, et décrite comme laide, sèche comme un cotteret, et bourgeonnée comme un printemps, c'est-à-dire sans doute qu'elle a la vérole. Elle est la première Madame Bovary, ce qu'on a parfois tendance à oublier, et ce qui implique aussi que de ce point de vue-là même, Emma sera plutôt dans le raccro, plutôt donc que dans le conte de fées. Mais Emma va finir par apparaître, puisque Charles Bovary est appelé à soigner, à quelques lieues de chez lui, un fermier du nom de Rouault, qui est parvenu à se fracturer la jambe. Alors celui-ci a une fille, qui tape dans l'œil du médecin après une scène pleine de maladresse et de confusion. Charles a perdu sa cravache, il est venu en cheval, il demande à Emma si elle l'a aperçue, ils se penchent ensemble pour la ramasser, et ils se cognent, donc de nouveau c'est tout sauf quelque chose d'idyllique, de romantique. Alors Charles va multiplier les visites chez Rouault pour s'assurer que sa convalescence se passe pour le mieux et pour en profiter pour voir Emma Rouault, ce qui finit par susciter la méfiance de sa femme, Héloïse Bovary. Et celle-ci, du haut de sa laideur, pique des crises de jalousie et lui interdit en quelque sorte de retourner à la ferme. Donc cette caricature de mégère va toutefois, pour le bonheur de Charles, mais en réalité plutôt pour son malheur, rapidement mourir d'une véritable crise de nerfs, et quand je dis rapidement, c'est vraiment rapidement, puisque son sort est réglé en à peu près 5 lignes. Donc Charles est désormais veuf, il retourne à la ferme de Rouault, et finit par demander la main de la fille, donc d'Emma Rouault. Le père accepte, après une réflexion qui est d'ailleurs purement économique, et voilà, après un mariage endimanché et ridicule au possible, Emma devenue Madame Bovary. Alors dans le sixième chapitre de la première partie, le narrateur accorde enfin son attention à cette jeune femme dont il dévoile l'histoire et le système de valeurs. Le lecteur apprend là qu'Emma a passé sa jeunesse dans un pensionnat tenu par des bonnes sœurs où elle a eu le loisir, en cachette, de se repaître de toutes sortes de romans d'amour qui ont largement infléchi sa vision du monde et la font rêver à un univers de princes et de princesses, de fastes et d'aventures. Alors le contraste avec la réalité est évidemment violent, et nous voilà aux prises avec une jeune femme qu'on croyait tout enthousiasmée par son mariage, mais qui se révèle rapidement déçue par la médiocrité du docteur Bovary. Il y a des passages très cruels à cet égard, la conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue, et les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire, sans exciter d'émotion, de rire ou de rêverie. Il n'avait jamais été curieux, disait-il, pendant qu'il habitait Rouen, d'aller voir au théâtre les acteurs de Paris. Il ne savait nager, ni faire des armes, ni tirer le pistolet, et il ne put, un jour, lui expliquer un terme d'équitation qu'elle avait rencontré dans un roman. « Bref, j'ai raté mon mariage », se dit Emma, mais alors que l'horizon semble bien morne, et qu'Emma commence à se résigner à la vie qui lui est destinée, survient le premier élément modificateur de sa vie. En effet, le couple Bovary est invité à un bal organisé par le marquis d'Audervilliers, qui a été soigné par Charles. Voilà enfin un événement qui correspond aux aspirations luxueuses d'Emma. Alors tout s'y passe à merveille, Emma passe son temps à veiller à ce que son mari ne fasse pas tache dans le décor, lui interdit de danser, tandis qu'elle valse avec son hôte et profite pleinement du château qui les accueille. Le problème est que après cette soirée merveilleuse, sauf pour Charles, hein, qui lui s'est de son côté passablement ennuyé, Il a notamment passé 5 heures à regarder des invités jouer au whist sans parvenir à y comprendre quoi que ce soit. Donc, après cette soirée merveilleuse, le retour à la réalité est plus dur encore pour Emma, qui va vivre des semaines et des mois durant, perdue dans l'attente d'une nouvelle invitation à un bal qui n'arrivera forcément jamais. Alors, Emma est lassée par la routine de Todd, désespérée par le manque d'ambition de son mari, et elle sombre, une première fois, parce que ça lui arrivera assez fréquemment, dans une forme de dépression. Charles Bovary, au bout d'un moment, va se demander si un changement d'air ne ferait pas de bien à son épouse, et voilà que le couple déménage pour un fort bourg nommé Yonville-l'Abbaye, c'est-à-dire une création géographique totale, une forgerie géographique de Flaubert, que l'auteur situe à une trentaine de kilomètres de Rouen. Quand le départ a lieu, nouvel événement assez important, Madame Bovary est enceinte, et là c'est le début de la deuxième partie. Alors, débarqué à Yonville, le couple est accueilli par le pharmacien Homais, personnage haut en couleur et débordant de suffisance, dont j'aurai l'occasion de reparler un peu plus tard, mais aussi par Léon Dupuis, un jeune clerc de notaire, qui s'éprend rapidement d'Emma. Rapidement, donc, Emma va donner naissance à une fille pour son plus grand malheur. Elle souhaitait un fils, il serait fort et brun. Ah, pardon, j'ai sauté une dia concernant le bal. Donc elle souhaitait un fils, il serait fort et brun, elle l'appellerait Georges, et cette idée d'avoir pour enfant un mâle était comme la revanche en espoir de toutes ses impuissances passées. Un homme au moins est libre, il peut parcourir les passions et les pays, traverser les obstacles, mordre aux bonheurs les plus lointains. Mais une femme est empêchée continuellement, inerte et flexible à la fois, elle a contre elle les mollesses de la chair avec les dépendances de la loi. Sa volonté, comme le voile de son chapeau retenu par un cordon, palpite à tous les vents. Il y a toujours quelque désir qui entraîne quelque convenance qui retient. Donc, pas de bol, ce sera une fille et elle s'appellera Berthe. Doublement dur. À Yonville, Emma va également faire rapidement la rencontre de Monsieur Lheureux, donc un marchand de nouveautés dont le nom est délibérément ironique puisqu'il va plonger ultérieurement le couple Bovary dans la misère. Et Emma trouve dans les produits luxueux proposés par Lheureux une manière de palliatif à sa vie de provinciale médiocre et un moyen aussi de jouer la Parisienne distinguée qu'elle n'est pas. Dans le même temps, elle se procure ses objets, ses vêtements luxueux, et dans le même temps, elle s'efforce de repousser les avances de Léon Dupuis, donc ce clerc de notaire que j'évoquais, tout en étant passablement irritée que son imbécile de mari, lui, ne s'aperçoive même pas qu'elle est courtisée par le jeune homme. Alors Léon va finir par quitter Yonville pour, dira-t-il, aller terminer ses études de droit à Paris. Son départ plonge Emma Bovary dans une tristesse mêlée de regrets, et au fond, elle se dit, bon, peut-être qu'il aurait mieux fallu céder. L'occasion va toutefois se représenter assez rapidement avec Rodolphe Boulanger, un élégant châtelain qui vient d'acquérir un domaine près d'Yonville et qui vient faire soigner chez Charles Bovary l'un de ses gens. Alors Rodolphe aperçoit Emma, la trouve plutôt à son goût et très cyniquement va élaborer un plan pour la conquérir. Donc on a un bel exemple de monologue intérieur ici qui commence par une considération sur Charles. Je le crois très bête, elle en est fatiguée sans doute, il porte des ongles sales et une barbe de 3 jours. Tandis qu'il trottine assez malade, elle reste à ravauder des chaussettes. Et on s'ennuie, on voudrait habiter la ville, danser la polka tous les soirs. Pauvre petite femme, ça bâille après l'amour comme une carpe après l'eau sur une table de cuisine. Oh, avec 3 mots de galanterie, ça vous adorerait, j'en suis sûr. Ce serait tendre, charmant. Ouais, mais comment s'en débarrasser ensuite? Donc, prévision déjà très très cynique de Rodolphe. L'occasion de séduire Emma va se présenter rapidement, puisque vient alors dans le roman la scène emblématique des comices agricoles, l'une des plus travaillées par Flaubert, une scène vraiment formidable. Donc les comices agricoles, c'est une forme d'assemblée de propriétaires et fermiers d'un lieu qui permet aux participants d'échanger sur leurs expériences agricoles, mais qui est aussi, en l'occurrence, une occasion de s'auto-féliciter, de faire des grands discours et de distribuer des récompenses. Donc pour le dire vite, c'est un peu le mix entre la rentrée académique et la foire de Libramont. Il plaît donc à Dieu et à Flaubert qu'une pareille assemblée se tienne à Yonville. La cité est en émoi, chacun se rend fièrement au comice, y compris Emma et Rodolphe, et Rodolphe parvient à soutirer Emma et à l'entraîner dans un coin pour lui déclarer son amour. Alors là, on a un chapitre vraiment formidablement construit, dans lequel Flaubert en vient à mêler le discours enflammé par lequel Rodolphe tente de séduire Emma et l'annonce des lauréats du titre de meilleur mouton et cochon de la ville. Donc c'est assez assez drôle, mais là je ne parviens plus à lire. Donc pour vous donner une idée, donc on a le discours de Rodolphe qui dit je vous attendais, je n'ai jamais rencontré la compagnie de personnes aussi aussi charmantes dans ma vie, et on entend en écho derrière race porcine, prix ex aequo à messieurs Lérissé et Culembourg, 60 francs. Donc, tout au long du discours amoureux et de la confession de Rodolphe, il y a cette contamination très prosaïque qui se déroule. Il n'empêche que ça a beau être tout à fait prosaïque, c'est le début d'une idylle, et au cours d'une promenade en poney ou en cheval, Emma va s'abandonner à Rodolphe. Alors elle se donne à lui, et rentrant au foyer familial, elle se répète « j'ai un amant », et Flaubert précise « elle se délecte à cette idée comme à celle d'une autre puberté qui lui serait survenue ». Nous sommes là au 9e chapitre de la deuxième partie, et Emma est persuadée qu'une vie nouvelle s'offre à elle. Mais Madame Bovary, je l'ai dit, a ceci de particulier que ses lectures ont largement influencé sa vision du monde, qui se révèle rapidement insupportable. Et ça ne rate pas, au bout d'un laps de temps fort court, Rodolphe est lassé d'entendre parler de clair de lune, de rossignol, d'envie d'escapade, de voix de la nature, de palais, de prince et de princesse. Emma en vient même à proposer à Rodolphe de fuir ensemble, d'abandonner les paysans d'Yonville, qui sont indignes d'eux, et de reconstruire ailleurs une vie pleine de faste. L'occasion est superbe pour Rodolphe, qui la saisit, et qui va laisser tomber Emma. Donc il concocte une lettre de rupture, sur laquelle il a d'ailleurs soin d'étaler un peu de salive pour faire croire qu'il a pleuré, et il la fait parvenir à Emma dans le fond d'un panier d'abricots. Alors là, on a une scène pleinement ironique et assez superbe aussi. Emma reçoit la corbeille d'abricots, trouve la lettre et défaillit. Elle monte dans sa chambre en transe et y passe l'après-midi à pleurer sur son propre sort. Et puis elle descend à l'heure du dîner et elle trouve son mari qui a découvert le panier et qui est en train de manger un abricot en disant « Ah, c'est quand même un chic type ce Rodolphe ». Donc Emma s'effondre devant ce comble de l'ironie et tombe une nouvelle fois dans une forme de dépression. Pour la distraire, Charles Bovary va se proposer de l'emmener quelques jours à Rouen. Alors, Rouen qui est la grande ville du coin, et lors d'une soirée au théâtre, le couple rencontre Léon Dupuis, ce jeune clerc de notaire qu'Emma avait éconduit. Alors on note là au passage qu'il y a, dans ce rebondissement quasi amoureux, ce retour de personnage disparu, quelque chose de bien feuilletonesque. On est pratiquement dans le retour du personnage qui a disparu, à la Mystère de Paris, ou à la, aujourd'hui, Plus belle la vie. Donc, on est au théâtre, Emma et Charles tombent sur Léon, vont boire un verre avec lui, et Charles a là l'excellente idée, comme d'habitude, de proposer à Emma de rester un petit peu à Rouen, puisque ça a l'air de lui faire du bien, de rester en compagnie de Léon Dupuis, tandis que lui doit retourner s'occuper de ses malades. Donc, mauvaise idée, évidemment. Après s'être donné rendez-vous dans la cathédrale de Rouen, les deux, donc Emma et Léon, entreprennent rapidement de reprendre là où ils avaient abandonné le cours de leur histoire adultérine. Donc là, on est dans la troisième partie, et Madame Bovary va multiplier les risques pour retrouver Léon à Rouen, s'inventant des leçons de piano pour le rejoindre, au risque d'être démasqué, même par Charles, qui s'entête lui à ne rien voir, et qui va jusqu'à la croire quand elle lui explique que si elle n'est pas rentrée la veille, c'est qu'elle était simplement subitement tombée malade. Alors, Emma prend goût au mensonge, et Flaubert écrit, c'est assez joli aussi, « C'était un besoin, une manie, un plaisir, au point que si elle disait avoir passé hier par le côté droit d'une rue, il fallait croire qu'elle avait pris par le côté gauche. » Donc on pourrait croire que enfin Madame Bovary, dans cette nouvelle relation, va trouver le bonheur, mais c'est sans compter toutefois sur le marchand Lheureux, dont j'ai parlé tout à l'heure, chez lequel Emma se fournit à crédit depuis des années en breloques et fantaisies diverses. Et Lheureux finit par demander logiquement à Emma l'argent qui lui est dû, et en pressentant que certains achats ont nourri ses aventures extra-conjugales, il menace Emma d'avertir Charles. Donc Emma se voit contrainte de rembourser une somme qu'elle n'a jamais eue et qu'elle n'aura jamais, et la troisième partie du roman est franchement pathétique, en fait, puisqu'elle est majoritairement consacrée aux errances de la malheureuse, contrainte d'obtenir des délais, de quémander à gauche et à droite, de pousser même le déshonneur jusqu'à aller prier en vain le riche Rodolphe qui l'avait laissé tomber quelques années plus tôt. Alors, y a des moments où elle conserve un reste de dignité, quand elle repousse notamment les propositions indécentes du notaire Guillaumin, qui lui dit « Oui, je vais m'occuper de vos problèmes d'argent, mais vous allez vous donner à moi. » Mais aussitôt le cabinet du notaire quitté, elle se dit qu'elle aurait peut-être mieux fait céder, et elle va proposer ses faveurs au percepteur Binet, qui lui s'en trouve passablement offusqué. Le comble de l'infamie est donc atteint quand Emma trouve sur la porte de sa maison un avis de vente publique de son mobilier. Seule et désemparée, elle s'introduit alors dans la réserve du pharmacien Homais, où elle ingurgite de l'arsenic. Et là, on a un suicide en lui-même qui est raté, franchement raté, puisque Emma ne meurt qu'après d'atroces souffrances, veillée par son mari, qui ne comprend pas ce qui a pu motiver ce geste. Ah, donc, dernière gravure, on ne voit pas très bien, désolé, sur la mort d'Emma. Charles lui-même va rester fidèle jusqu'au bout, refuse de voir la vérité en face, et découvrant certains indices des aventures passées de sa défunte épouse, il se dit, pour se consoler, qu'au fond, tout ça était sûrement très platonique. Incapable de se remettre du décès, il finit lui-même par mourir de chagrin, et le roman se termine de cette façon, donc dans le pathos le plus complet. Alors on a un roman qui est aussi passionnant que dense, qui a suscité de nombreux commentaires et analyses que je vais évidemment pas tenter de synthétiser ici, et au-delà de sa puissance réaliste ou de son éventuelle axiologie féministe qui mériterait sans doute d'être encore discutée, d'être encore interrogée, en réalité on pourrait consacrer un cours d'un an au minimum à Madame Bovary, un cours d'explication de texte. Donc au-delà de ces dimensions, je voudrais commencer par revenir ici sur trois lectures possibles de ce roman, qui le rattache donc plus volontiers au séminaire de l'imaginaire qui nous occupe ici. Alors en premier lieu, Madame Bovary peut nous intéresser parce qu'il est le premier roman à se consacrer explicitement à un propos sur les paralittératures. Ce statut métaparalittéraire est, comme l'indique justement ce mot de métaparalittéraire que je viens d'écorcher deux fois, suffisamment rare pour être souligné, signalé. Emma, qui est abonnée à des cabinets de lecture et lit les journaux pour les feuilletons qu'ils proposent, est, pour le dire très simplement, la première lectrice fictionnelle, par anticipation, du centre Stemann des bibliothèques d'aventure. Elle sera rejointe plus tard par Arthur Rimbaud, qui, dans son Alchimie du Verbe, déclarera lui aussi son amour aux productions littéraires illégitimes, avec ce très beau passage « J'aimais les peintures idiotes, dessus de portes, décors, toiles de saltimbanques, enseignes, enluminures populaires même, la littérature démodée, latin d'église, livre érotique sans orthographe, roman de nos aïeuls, conte de fées, petit livre de l'enfance, opéra vieux, refrain niais, rythme naïf. » Dans le roman, dans Madame Bovary, Flaubert consacre pour sa part de larges passages à citer, à détailler les lectures de son héroïne, notamment dans le chapitre 6 de la première partie, où sont évoquées ces distractions du temps du couvent. Toujours mal, je vais lire ce passage. « Il y avait au couvent une vieille fille qui venait tous les mois, pendant 8 jours, travailler à la lingerie. Souvent, les pensionnaires s'échappaient de l'étude pour l'aller voir. Elle savait par cœur des chansons galantes du siècle passé, qu'elle chantait à demi-voix, tout en poussant son aiguille. Elle contait des histoires, vous apprenait des nouvelles, faisait en ville vos commissions, et prêtait aux grandes, en cachette, quelques romans qu'elle avait toujours dans les poches de son tablier, et dont la bonne demoiselle elle-même avalait de longs chapitres dans les intervalles de sa besogne. Ce n'était qu'amour, amant, amante, dame persécutée s'évanouissant dans des pavillons solitaires, postillons qu'on tue à tous les relais, chevaux qu'on crève à toutes les pages, forêts sombres, troubles du cœur, serments, sanglots, larmes et baisers, nacelles au clair de lune, rossignols dans les bosquets, messieurs braves comme des lions, doux comme des agneaux, vertueux comme on ne l'est pas, toujours bien mis, et qui pleurent comme des urnes. Pendant 6 mois, à 15 ans, Emma se graissa donc les mains à cette poussière de vieux cabinet de lecture. » Et donc, je l'ai dit, Emma va recycler ses lectures tout au long de ses aventures amoureuses, jusqu'à en dégoûter certains de ses amants, comme Rodolphe, qui se demande franchement sur quel type de femme il est tombé. Donc l'attitude d'Emma face à ces textes, son adhésion candide est tellement marquante qu'elle en est venue à définir, dans la langue parapsychologique, une attitude de lecture bien particulière, hein, le bovarisme. Alors Emma est en réalité amoureuse de l'amour tel qu'il est décrit dans les romans à l'eau de rose et les grands récits historiques qu'elle dévore. Mais elle sera forcément déçue par son naïf de mari pour qui le bonheur consiste à chausser ses pantoufles au coin du feu. Elle le sera d'autant plus quand, enivrée par son propre statut d'amante de maîtresse, elle se trouvera confrontée à des gens à la fois très pragmatiques, hein, comme Rodolphe, qui n'est pas contre le plaisir de la chair, contre ceux de l'adultère, mais qui apprécie passablement le confort du célibat et se met franchement à flipper quand cette Emma Bovary s'emballe avec ses projets d'aventure à l'étranger, au clair de lune, etc. Elle sera tout aussi déçue quand elle se réfugiera chez Léon Dupuis, qui, au fond, n'est qu'un petit clerc de notaire sans véritable ambition, ce qui la décevra aussi. Alors on a souvent dit et écrit que Flaubert se livrait dans Madame Bovary à une forme de charge contre la littérature dite populaire, contre tous ces récits que lit Emma Bovary. Alors je crois que c'est un petit peu réduire les choses, mais il y a une charge pourtant dans ce texte, il y a une charge évidente, c'est plutôt, je crois, contre la société qui est capable de mener à une lecture de ces textes, une lecture aussi naïve que celle faite par Emma. C'est-à-dire une société dont les individus parquent leurs filles dans des couvents où la liberté est restreinte, puisque, je le rappelle, hein, ces romans sentimentaux sont d'abord lus sous le manteau, en cachette, par Emma. Et puis aussi une société où, pour le dire encore avec les mots de Pierre Bourdieu, une forme de violence symbolique qui cantonne les femmes à un statut subordonné, qui est une forme de domination masculine là-derrière, qui implique un statut subordonné depuis lequel les destinées amoureuses des princes, des princesses qui rythment les romans sentimentaux que lit Emma tiennent moins de la distraction que de l'idéal intangible, de l'espoir. Donc, perdent leur statut de pure distraction pour devenir des idéaux. Et Flaubert, au fond, ne dit rien d'autre lui-même quand il écrit en 1853 « Ma pauvre Bovary, sans doute, souffre et pleure dans 20 villages de France à la fois, à cette heure même. » Alors, on a un roman sur les paralittératures et particulièrement sur les littératures sentimentales, mais Madame Bovary, au fond, n'en est pas moins lui-même un roman sentimental délibérément raté. J'ai eu l'occasion de le dire. Mais c'est aussi, il ne faut pas perdre ça de vue, je crois, un roman érotique. Et c'est d'ailleurs ce qui va conduire Flaubert, en quelque sorte, sur les bancs de la cour d'assises. Donc de nouveau, là, j'ai pas l'occasion de détailler cette problématique passionnante, mais je vous renvoie au récent ouvrage de Gisèle Sapiro sur la responsabilité de l'écrivain, particulièrement au chapitre consacré à Madame Bovary, intitulé « Anatomie d'un scandale », qui décortique vraiment le procès de Flaubert, ses implications, ses enjeux, ses raisons. Voilà. Donc, j'ai évoqué dans mon introduction la publication fragmentée de Madame Bovary dans la Revue de Paris. Et cette parution, en livraison, en réalité va donner le coup d'envoi des problèmes de Flaubert, puisque plusieurs coupures sont demandées par les responsables de la Revue de Paris même, plusieurs coupures préventives sont demandées à Flaubert, qui concernent notamment certains passages trop érotisés, mais aussi des passages qui impliquent la présence de l'abbé Bournisien, qui est un personnage secondaire et qui est passablement stupide. Les responsables de la Revue de Paris disent « Non, ça, il faut sabrer, parce que sinon, on va au-devant de problèmes, on va se prendre un procès. » Flaubert accepte à contre-cœur, mais exige alors que la Revue mentionne explicitement, dans un texte d'accompagnement, que certains passages, ne lui convenant pas dans le roman, ont été supprimés. Cette précision a en réalité un effet néfaste, c'est qu'elle attire l'attention de la justice, et donc le gérant de la Revue de Paris, l'imprimeur et Flaubert vont se retrouver prévenus d'avoir commis les délits d'outrage à la morale publique et religieuse aux bonnes mœurs. L'avocat impérial, Ernest Pinard, va reprocher à Flaubert d'avoir en réalité oublié de condamner explicitement ces personnages. Il n'y a aucun endroit dans Madame Bovary qui dit explicitement « Bon, ce que fait Emma, là, c'est quand même pas très réglé. » C'est ça qui pose problème. Donc il n'y a pas de morale conclusive qui vise à dénoncer ce que le roman vient dénoncer. Alors l'avocat de Flaubert va au contraire lui plaider que le roman est absolument moraliste et qu'il vise justement à condamner la perversité de certaines lectures. Flaubert va être acquitté, après avoir notamment su tirer parti de sa position sociale favorable, ce qui est assez particulier d'ailleurs, hein, Flaubert est le fils d'un grand chirurgien reconnu, et ça va le poser en situation un petit peu instable face à sa propre position, puisqu'il fait jouer son statut de bourgeois, alors que, au-delà de ce propre statut, il n'arrête pas de dénoncer la bourgeoisie. Et après ce procès, donc, on va fréquemment se moquer de la pudibonderie des accusateurs. En réalité, il me semble, et comme d'ailleurs Thierry Lager l'écrit très bien dans l'édition Folio, qui est vraiment excellente, en fait, très complète, en réalité, donc, il semble que l'avocat Pinard, qui a donc attaqué Flaubert, ait été l'un des lecteurs les plus attentifs de Gustave Flaubert, puisque l'œuvre, on ne peut pas le nier, est effectivement rythmée par un érotisme qui affleure en de nombreuses pages, mais qui ne s'exhibe jamais crûment. Flaubert, en fait, n'est pas sade, hein, et le plaisir qu'il met en scène n'est jamais complètement dévoilé. Donc Madame Bovary est sans doute l'exemple typique d'une littérature proscrite, interdite, censurée, mais c'est aussi parce que ce roman se gonfle de lasciveté sans jamais laisser éclater celle-ci, s'oblige à la contenir. Le plus bel exemple de cet érotisme, qui est omniprésent dans le texte sans jamais vraiment se rendre visible, c'est dans la scène du fiacre, qui suit les retrouvailles d'Emma et Léon dans la cathédrale de Rouen, c'est un passage assez long, où on sait que Emma et Léon couchent ensemble tout l'après-midi dans un fiacre loué par Léon et qu'ils font circuler volets fermés, mais aucun de leurs gestes n'est dit. Le lecteur, en fait, n'a accès qu'à la vision du malheureux cocher, donc une vision qui est obstruée elle aussi, et qui devient fou à force de tourner sans but dans la ville. À chaque fois qu'il s'arrête, Léon l'insulte et lui dit « mais repartez », mais il erre sans but, simplement pour promener les deux amants qui sont en train de s'accoupler derrière lui. Et puis, si l'accusation, au fond, n'a pas forcément tort non plus, c'est aussi parce que nous avons désormais accès au brouillon et au plan de Gustave Flaubert, et qu'il y a là des traces très évidentes, très crues, très nettes, du sort d'Emma, de sa vision très érotisée du monde. Et alors on voit dans le plan, j'espère que vous allez voir, à chaque fois j'ai essayé d'indiquer une capture d'un brouillon, ils sont disponibles en ligne, il y a un site de l'université de Rouen qui est très bien fait, et on trouve donc comme plan, après avoir vu Léon, Emma quitte Rouen, elle est noyée de foutre, de larmes, de cheveux et de champagne. Donc il y a des termes très crus de cette façon-là. Donc là aussi, Emma rentre à Yonville dans un bon état physique de fouterie normale. Et alors on peut s'amuser à comparer certains passages qui sont assez éloquents. Donc là à gauche, Rodolphe embêté la traite en putain, il la fout à mort, elle ne l'en aime que mieux, donc vous voyez, c'est quand même très cru dans le projet de Flaubert, et ça devient, dans la version finale, quelque chose de beaucoup plus polissé, de beaucoup plus obstrué, euphémisé aussi. Il jugea toute pudeur incommode, il la traita sans façon, il en fit quelque chose de souple et de corrompu, c'était une sorte d'attachement idiot, plein d'admiration pour lui, de volupté pour elle, une béatitude qui l'engourdissait, et son âme s'enfonçait en cette ivresse et s'y noyait, ratatinait, comme le duc de Clarence dans son tonneau de Malvoisie. Alors déjà, ce passage est très chargé aussi en érotisme, mais vous voyez que par rapport à la dimension très crue, très pornographique du plan, on a un véritable écart. Donc, roman métaparalittéraire, si vous voulez, roman érotique et sentimental, mais aussi roman comique. C'est un autre élément qui permet de rapprocher Madame Bovary de la littérature populaire, c'est son humour. C'est en réalité un roman franchement drôle qui multiplie les formes de comique et dans lequel Flaubert se révèle un satiriste magnifique, un vrai salaud aussi, qui n'hésite pas à se moquer de ses personnages, puisque tout ceci, en réalité, se distingue par une certaine propension à l'imbécilité. On a vraiment une galerie de crétins dans Madame Bovary qui se déploie sous différentes formes, sous différents types aussi. Alors, j'insiste pas sur le malheureux Charles Bovary qui en prend suffisamment, enfin qui souffre suffisamment tout au long du texte, et dont Emma elle-même a tôt fait cerner les limites intellectuelles. Mais je reviens justement sur Emma, qui est quand même une sorte de poseuse pleine d'aspirations en toute chose, et qui se pique de parler de littérature, mais qui est surtout une formidable machine à clichés. Hein. On dirait que le texte qu'elle connaît le mieux, au fond, c'est le dictionnaire des idées reçues qu'elle répète à l'envi. Alors, exemple formidable de nouveau, la scène de rencontre entre Emma et Rodolphe, entre Emma et Léon plutôt, dès que le couple Bovary débarque à Yonville, qui est aussi superbe de ridicule, et on a une sorte de ping-pong de lieux communs où chacun s'échange les clichés les plus éculés. J'en lis un extrait. « Avez-vous du moins quelques promenades dans les environs ?» demandait Madame Bovary en parlant au jeune homme. « Oh, fort peu. Il y a un endroit que l'on nomme la pâture, sur le haut de la côte, à la lisière de la forêt. Quelquefois, le dimanche, je vais là, et j'y reste avec un livre, à regarder le soleil couchant. » Réponse super d'Emma. « Je ne trouve rien d'admirable comme les soleils couchants. Mais au bord de la mer, surtout. « Oh, j'adore la mer !» C'est parti. « Et puis, ne vous semble-t-il pas, répliqua Madame Bovary, que l'esprit vogue plus librement sur cette étendue sans limite, dont la contemplation vous élève l'âme et donne des idées d'infini, d'idéal ?» Et Léon répond « Oui, mais il en est de même des paysages de montagne. J'ai un cousin qui a voyagé en Suisse l'année dernière et qui me disait qu'on ne peut se figurer la poésie des lacs, le charme des cascades, l'effet gigantesque des glaciers. » On voit des pins d'une grandeur incroyable en travers des torrents, des cabanes suspendues sur des précipices, et à 1000 pieds sous vous, des vallées entières quand les nuages s'entr'ouvrent. Ces spectacles doivent enthousiasmer, disposer à la prière, à l'extase. Aussi, je ne m'étonne plus de ce musicien célèbre qui, pour exciter mieux son imagination, avait coutume d'aller jouer du piano devant quelques sites imposants. » Alors Emma Bovary se dit « Ah, vous faites de la musique ?»« Non, mais je l'aime beaucoup. » Aussi, c'est... Je fais pas de la musique, mais je l'aime beaucoup. Donc il y a encore un passage très drôle aussi quand Léon et Emma se retrouvent à Rouen avec un garde suisse dans la cathédrale de Rouen. Donc Léon n'a qu'une idée, c'est retrouver Emma Bovary et l'emmener quelque part pour coucher avec elle. Et il tombe sur un garde suisse qui a très envie de leur faire visiter la cathédrale de Rouen et qui commence vraiment à excéder Léon, qui n'a qu'une idée en tête, c'est partir, alors qu'Emma, elle, est tout à fait disposée à suivre la visite guidée, en quelque sorte. Donc, de nouveau, une confrontation là, de personnages avec des aspirations diverses. Mais le personnage le plus drôle de ce roman, sans aucun doute, c'est le pharmacien Homais, qui est une véritable hypostase, un véritable hypostase de la bêtise bourgeoise, et que Flaubert s'amuse véritablement à mettre en scène. Donc, on nous le présente de cette façon-là, c'était un homme en pantoufles de peau verte, quelque peu marqué de petites véroles, et coiffé d'un bonnet de velours à gland d'or. Il se chauffait le dos contre la cheminée, sa figure n'exprimait rien que la satisfaction de soi-même, et il avait l'air aussi calme dans la vie que le chardonneret suspendu au-dessus de sa tête dans une cage d'osier. C'était le pharmacien. Alors Homais, en réalité, c'est le voisin que vous ne voulez pas avoir. C'est le type qui se mêle de tout et qui est persuadé de tout savoir, que les villageois respectent, hein, puisqu'ils ne sont pas forcément très malins à Yonville, qui sont persuadés de son savoir à lui. Homais, c'est le type qui, lors d'un feu d'artifice, va expliquer aux artificiers comment ils doivent faire leur travail, qui utilise des mots raffinés pour faire scientifique, puis, quelques chapitres plus loin, utilise l'argot parisien pour montrer combien il est moderne. C'est aussi celui qui se pique d'être scientifique et se vante partout d'avoir publié un rapport sur le cidre. Il y a un super passage aussi dans l'épisode des comices agricoles. Alors de nouveau, là je ne lis pas d'extrait parce que le temps m'écomptait, mais Homais s'inscrit dans une longue tradition de personnages de ce genre, hein, avec Monsieur Prudhomme, inauguré par Henri Monnier, puis réécrit par Verlaine, Bouvard et Pécuchet, toujours par Flaubert, Tribu la Bonhomée de Villiers de l'Isle-d'Adam, c'est une sorte de désessinte ratée. Chez Beckett, on aura Vladimir et Estragon, ceux qui attendent Godot, mais aussi Mercier et Camier, et puis le personnage du maire de Champignac, quand même, chez Franquin, qui est largement inspiré aussi par ce type de personnage qui hérite en quelque sorte de Homais ou de Monsieur Prudhomme. C'est aussi, il faut noter que dans dans Madame Bovary, le texte se conclut par le triomphe de Mai, puisque la dernière ligne du texte, c'est « Il vient de recevoir la Légion d'honneur ». Et lui est le personnage le plus stupide peut-être du roman, mais c'est celui qui connaît une véritable ascension sociale. Alors, je voudrais encore dire quelques mots de la fortune d'Emma après le roman, de façon moins structurée encore, puisqu'il sera ici question de sa descendance. Flaubert a livré une œuvre unique, qui est populaire par certains côtés, j'ai essayé de le montrer, mais qu'il ne faut pas non plus tenir pour uniquement populaire ou paralittéraire, je crois, hein, c'est quand même un grand texte aussi. Mais il s'est trouvé plusieurs auteurs, réalisateurs, artistes, pour prolonger en quelque sorte l'existence d'Emma Bovary, pour la réinventer et pour contribuer à en faire un véritable personnage populaire qui imprègne aujourd'hui l'imaginaire collectif. Alors, premier prolongement logique, au cinéma, les adaptations cinématographiques. Alors en France, on a Jean Renoir en 1933, Claude Chabrol en 1991, avec une très belle Isabelle Huppert, très convaincante dans Madame Bovary, peut-être un peu trop lucide et ironique, mais très froide et assez convaincante malgré tout. Aux États-Unis, vous avez Vicente Minnelli, avec Jennifer Jones, qui, elle, est une très belle Madame Bovary aussi, beaucoup plus candide, naïve, et donc plus conforme peut-être à l'esprit flaubertien. Il y a aussi des adaptations en URSS avec Sokurov. Et puis, j'ai quand même trouvé, on ne pouvait pas passer à côté, une adaptation érotique en Allemagne avec Hans-Kurt Schöbinger, Die Nacht Bovary, en 1969, Madame Bovary nue ou la nue Bovary, il y a peut-être un jeu de mots possible sur les nuits de Madame Bovary, qui sera traduit sous le titre The Sins of Madame Bovary aux États-Unis, donc les péchés de Madame Bovary, et en France, les folles nuits de la Bovary. Donc celui-là, je ne l'ai pas vu. Pour compléter l'enquête, ce sera peut-être un prolongement. Alors il y a aussi des réécritures partielles, dans Little Children de Todd Field en 2006, qui n'est pas précisément une réécriture de Madame Bovary, mais le texte de Flaubert et le personnage d'Emma irradient véritablement sur le film, avec notamment différentes scènes dans un club de lecture où Madame Bovary est au menu et que Kate Winslet, en tout cas son personnage, analyse avec passion. C'est aussi un récit d'adultère qui n'est pas franchement réussi. Donc, Madame Bovary, dans ce texte-là, est franchement en écran. Alors, à côté de ça, différents écrivains ont manifesté leur admiration à l'égard de Madame Bovary, en évoquant le roman, en tentant de le prolonger, voire en le pastichant. Il faut notamment citer Mario Vargas Llosa, qui, dans L'orgie perpétuelle, propose une véritable lecture passionnée de l'œuvre en trois temps. Donc, le premier est sans doute le plus intéressant, puisqu'il est le plus personnel, c'est une sorte de déclaration d'amour au livre, un retour sur le contexte de lecture aussi, hein, quand Vargas Llosa étudie à Paris. Adaptation originale aussi avec Madame Bovary de Claro, peut-être pas la plus convaincante, c'est une réécriture partielle aussi, c'est le récit d'une dépression d'un narrateur héros qui, après une rupture, relie Madame Bovary et nourrit sa dépression par cette relecture qui devient une véritable obsession, et le héros en vient à trouver des échos de Madame Bovary dans les éléments les plus familiers de sa vie. Alors d'autres auteurs ont été tentés de prolonger ce roman en le reprenant là où il a été laissé par Flaubert, ou en le relisant d'une façon parallèle. Richard Singelais a récemment consacré un bel ouvrage à cette question de la transfiction, c'est-à-dire le phénomène par lequel au moins deux textes du même auteur ou non se rapportent conjointement à la même fiction, donc une manière de prolongement par reprise de personnages, par prolongement d'une intrigue préalable ou partage d'univers fictionnel. Donc on a des exemples comme Madame Homais de Silver Monod, qui imagine ce que vivait l'épouse du pharmacien Homais donc quand le couple Bovary débarque à Yonville, mais surtout beaucoup de textes qui se sont trouvés interrogés le devenir de la fille d'Emma Bovary, donc Berthe, pardon, après le décès de ses parents, après qu'elle est devenue orpheline. Donc la fille d'Emma de Claude-Henri Buffard, Mademoiselle Bovary de Raymond Jean et Mademoiselle Bovary de Maxime Benoît Janin. Vous voyez que les deux derniers sont particulièrement originaux. Dernier exemple, enfin, livresque de prolongement bovariste, avec un intéressant graphic novel de Posy Simmons, à qui l'on doit notamment Tamara Drew, qui a été porté à l'écran par Stephen Frears en 2010. Ici, ça s'appelle Gemma Bovary, ça ne s'invente pas. Et c'est un texte qui est assez intéressant et drôle, donc semi-BD, semi-roman, qui se passe à notre époque, et qui est narré du point de vue du boulanger Joubert, qui voit débarquer dans son petit village de Normandie un couple d'Anglais, des Bovary, qui s'appellent Charlie et Gemma. Alors, ce narrateur, au début, s'amuse de ce qui lui semble un beau jeu du hasard, plutôt incongru et assez merveilleux, mais il va quand même s'inquiéter du destin des deux individus quand il découvre que Gemma entretient une liaison avec un jeune châtelain de la région. Il dit, mais si elle commence à tromper son mari, les deux vont finir par mourir à la fin, puisque leur destinée ressemble trop au roman de Flaubert. Alors donc, là, il s'introduit dans la vie des Bovary et tente de les mettre en garde, en ne manquant pas donc de rapprocher leur trajectoire de celle des héros de Flaubert. On a des passages assez drôles comme ça, où on a le boulanger qui vient montrer le bouquin et qui raconte l'histoire à Gemma Bovary, et qui dit, mais enfin, espèce d'idiote, si je t'explique ça, c'est parce qu'à la fin, elle meurt, tu ne dois pas reproduire la même trajectoire, tu vas mourir aussi. Et l'autre lui répond, bah, c'est malin, espèce de crétin, j'avais pas encore lu le bouquin, merci de me raconter la fin. Voilà donc pour ce tour d'horizon très rapide, trop rapide, dans l'univers de Madame Bovary, qui dépasse désormais de loin le roman flaubertien, pour atteindre aussi, et c'est par là que je vais vraiment terminer sans véritablement conclure, puisque, comme Flaubert le disait, la bêtise consiste à vouloir conclure. Univers qui atteint maintenant jusqu'au folk rock américain, puisqu'il me semble qu'au cœur de l'excellent premier album du groupe Bon Iver, on peut entendre dans la chanson For Emma une réécriture amoureuse de Madame Bovary, qui constate avec dépit la course aux amants d'Emma et qui affirme que, malgré ses mensonges, elle reste tout à fait adorable. Voilà, je vous remercie.